Bonjour ou bonsoir, ravi de vous retrouver sur mon blog Pas que des mots pour la lecture de la nouvelle du jour, La cliente. Nouvelle que vous pouvez retrouver dans les catégories rencontres, liens, vieillesse ou drame. Une librairie étroite à côté d'un lycée. Elle présente une façade à la peinture écaillée. L'ambiance y est chaleureuse, animée par les va-et-vient de Ginette, la libraire. Elle est jeune, assez jolie mais inexperte. Des lycéens, des habitués, y passent constamment du temps. Ils s'amusent à la voir s'évertuer à leur fournir des ouvrages qui n'existent que dans leur imagination. Elle épie leur conversation, admiratif de leur savoir. Dès qu'ils sortent, elle regrette de n'avoir fini ses études et en pleure parfois. Un jour, une vieille dame qu'elle n'a pas l'habitude de voir entre. Intérieurement, elle la surnomme le hamster à cause de ses grosses lunettes rondes, de sa démarche et de son long manteau en fausse fourrure couleur noisette. Elle ne la quitte plus les yeux, les lycéens non plus, tous captivés par la cliente. On entendra une mouche voler et les bruits de la rue d'habitude sourds s'amplifient. Elle s'avance, commande un numéro de femme actuelle. La libraire entre dans une salle tout au fond, dans le bruit de grincement de la porte. Elle revient peu de temps après, en époussetant un magazine. La cliente signe, marque son adresse et présente sa carte d'identité d'une main tremblotante. Elle remercie d'un signe de tête et sort. Au claquement de la porte, tout se ranime comme par enchantement. La cliente semble n'avoir jamais paru aux yeux de tout ce monde. Tout a repris comme avant. Ginette est toujours inexperte et admirative face aux lycéens. Sauf que maintenant, elle se demande quand lui restituera-t-on son magazine dont le délai de retour est largement dépassé. Où est le magazine? Celui-ci se trouve maintenant sur un guéridon à côté d'une tasse de thé refroidie dans un salon qui sent bon la cannelle. Et la cliente, où est-elle? Dans une salle d'hôpital, sa fille dans le couloir, en larmes en face d'un médecin qui se demande combien de décès il aura à annoncer au cours de sa carrière. Et Ginette, où est-elle? Devant l'immeuble où habite la cliente, à sonner sans obtenir aucune réponse. Elle s'en va, se promettant de revenir et ignorant que de réponse elle n'en aura jamais. Mais un jour, elle recevra la visite d'une dame dont elle essaiera de se souvenir du visage sans y parvenir. Celle-ci lui dira « Bonjour, je viens rendre ce magazine de la part de ma mère. » Dans un sanglot, elle signera le bulletin de retour et sortira en larmes. Et là, la libraire se souviendra de ce visage, celui du hamster. Elle pleurera sa mort, car lui, elle l'avait deviné, comme si elle avait toujours connu cette cliente. C'est la fin, et je vous remercie pour votre écoute durant ma lecture. Au revoir.